ce qui circule dans la tête de cet humain charitable, prêt à tout pour être honnête et parfaitement inimaginable. En elle, rien de vraiment chouette et pas grand chose d'admirable. Rien ne provoque de fait d'impures pulsions animales. Tout cela ne fera pas une histoire légendaire, ce n'est qu'un geste anodin qui demain deviendra hier. Qu'est-ce qui a motivé son geste? Par quelle obsession louable a-t-il proposé sa veste à celle qui n'était pas spéciale? Aveugla toutes les étiquettes, serait-il trop sentimental? Quant au genre humain, il prête un amour sans égal. Tout cela ne fera pas une histoire légendaire, ce n'est qu'un geste anodin qui demain deviendra hier.